Sound like Baka. Happy birthday. On finit par faire ce qu'on dit dans la vie, demande à Serge Ibaka. Arrivé au stade où je ne sais plus ce que veut dire je ne peux pas. Toujours entouré de la famille, chez nous tu vois pas de chacun pour soi. On est beaucoup trop pour le trône, yeah. On fait voler le papier, ma fausse histoire. Frapper de la tête aux pieds, ma fausse histoire. Les ennemis sont des milliers, ma fausse histoire. C'est que je ne crois en vie, ma fausse histoire. Dis-moi ce que tu veux, mi amor. Soleil plus d'un million de fois. Une seule balle dans le barillet, on est des milliers. On sait jamais qui s'en sortira. La vie m'a laissé des séquelles que je ne pourrai jamais oublier. Acheter tout ce qui me fait plaisir me permet de ne jamais oublier.